Tantalas, les Santa, comment? Antandas, Antandas. Les Santa Esmeralda. Ben voyons. Le son a coupé. Oh, c'est écrit l'eau. Oh mon Dieu, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau. C'est l'eau qu'il nous faut. C'est l'eau qu'il nous faut cette semaine. Attendez, je cherche les titres. Car la couche et la douche nous gèle. Alors, c'était Santa, excusez-nous, Panano, Talani. Je tiens à excuser tous les palanos qui nous écoutent, tous les bidalos, tous les, comment qu'ils appellent, non, les bimolaires, et tous les malades plicoloniques. On ne voulait pas vous déranger actuellement. Enregistrement russe complété. Hey, on est surveillé par les Russes. Les extraterrestres arrivent. C'est pas vrai, on va être envahis. Nous allons tous mourir. On va mourir. Bonne chance à tous. Oh. Sortez des maisons. Oh, on va s'en... Georgette, sort de la maison. Il faut du sécurité. La fin du monde est parmi nous. Minou, parmi... Minou, bientôt Minou. C'était Santa Esmeralda avec Don't Let Me Buy Me The C'était Pierre Mikhalov et Caillouche avec l'alcool au volant. L'errance rénaldienne, il voulait continuer. L'errance rénaldienne complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Elle, c'est comme une tourterelle qui cherche à tirer d'elle. Me dire qu'elle même. Elle, je l'ai comme pas de pelle. Elle cherche à perdre d'elle. La peine pour le pour. Elle tourne dans les deux. Elle m'a donné un chant. Cette semaine et ce... C'est comme ça. Cette semaine et ce, jusqu'à l'épuisement du concept, Épuisement du concept, c'est plus épuisé, là. On est tellement fatigué, on est épuisé. Hey, tu m'épuises, s'il vous plaît, recule, tu m'épuises. Arrête de puiser, tu m'épuises. Moi, plus tu m'épuises, moins je veux te reconnaître. Et plus je te connais, et devant moi, t'es mon ennemi numéro un. Comment ça? Mais t'es mon ennemi numéro un. Cette semaine, et ça jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe romantique. Les romantiques, ces beaux prisonniers de nos rires. C'est les humoristes. Non, c'est les romantiques. Les romantiques nous donnent des tics. Amoureux. Romantiques. Ces beaux personnages de cirque. Depuis quand les romantiques sont des personnages de cirque? Madame Tremblay. Mais moi, je suis pas là-dedans, moi, là. Je le connais pas, ce monsieur-là. C'est Rénal Gagné. Comment ça? Mais on le sait pas. Il nous le dit, là, au début de son émission. Écoutez, on va... On retourne... Retourne la bobine, Germaine! Non, c'est retourne la bobine, bobine. Retourne la bobine, bobine! Blablabla. Mon nom est Rénal Gagné. Bienvenue à Errance Rénaldienne. C'est le début de l'émission. Hé, hey, voilà! Hey, c'est Rénal Gagné. Romantique. Tout le monde aimerait bien être romantique. Mais il faut avoir un style romantique. Par exemple, lorsque tu rencontres une jeune fille, tu dis pas « bonjour, j'aimerais se faire l'amour ». Comment? Tu dis « bonjour ». Oui. C'est ton anniversaire. Comment? C'est ton anniversaire. Anniversaire qui? Versaire. Versaire. Pas Versaire Mercier. Monsieur de Versaire Mercier, l'homme de la radio 2010. Non, pas Versaire. Cache-toi un peu, là, relax. C'est ton anniversaire. Versaire, serre. anniversaire. C'est mon anniversaire, oui! Bon, ça va on va la brosser dans la rue, man. Hey, monsieur! Bon anniversaire. Merci, monsieur Gagné. T'as quel âge, là? Moi, j'ai 26 ans. Oh, et toutes tes dents? Toutes mes dents et ma langue. Oh, ta langue de chez vous? Ma langue de chez moi. Oh, mon doux. Tu connais la langue? Tu connais la chanson qui aime se faire lécher? Oh, mon, il est quelle heure, là? Oh, il est 1h20. Oh! Laisse-moi lécher toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus beau de tous les je me sens plus, moi, là, romantique. Est-ce qu'il y a encore en 2010 des gens romantiques? Moi, je présume que non, là. Ben, il y a moi. Comment tu t'appelles? Rena! Arrête de te nommer, t'es comme un imbécile. Un imbécile heureux. Heureux. Aïe, ça me gratouille. Aïe, les bébites. Oh non, les bébites. Oh, t'es des bébites joyeuses. Aïe, non. Ça gratte. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui gratte de même? Ça va-tu gratter longtemps? C'est un problème d'enregistrement, c'est quoi? Ben oui. Je pense que c'est un problème d'enregistrement. Mais non, ça n'a pas d'allure. Ça peut pas gratter autant que ça. Est-ce possible? Hé, monsieur. Attendez, là. Oh, ça grattait pas tant que ça. Je suis poussonneux, en délivrant. Le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y'a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y'a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave, au fond de la cave, paraît qu'il y a pas de sous-métier, moi je fais des trous dans des billets. Lucien, je t'ai toujours dit que la chanson, c'est de la merde. Oui, papa. Mais quand même, je suis fier. Le poinçonneur des lilas, les armes croisées ne me reconnaît pas. Mon fils est une vedette, mais toutes les semaines il se rend, oui, il se rend chez ses parents. CKRL, cultive tes goûts. Aujourd'hui, je vais écrire une nouvelle qui n'a aucun lien avec un artiste. Et à un moment donné, tu te lèves et tu te dis, là, je vais parler de, je sais pas, de Gainsbourg. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que... Alors ça, c'est très simple. C'est simplement les contrats. OK, voilà. Parce que c'est trop... Ces quatre livres-là, c'est des contrats. On t'a dit, veux-tu écrire pour François Zardy? Voilà. En fait, avec un éditeur, tu as un dialogue. OK, mais je croyais que tu savais écrire. Après ça, tu savais proposer ça à des éditeurs. Ça dépend. Okay. C'est François Zardy... On me l'a proposé et comme c'est une artiste qui m'intéresse, j'ai dit oui tout de suite. Et sinon, c'est un dialogue. Parfois, c'est moi qui amène l'idée. Parfois, c'est... Bachung, on me l'avait déjà proposé. Et Bachung, c'est en quelle année, là? Bachung, je l'ai écrit en fait... Je l'ai écrit en fait en 2009, après sa mort, après son décès. Ok. Alors, tu l'as écrit rapidement, combien de temps? De toute façon, j'écris toujours rapidement. En général, j'écris un livre en 3 mois. Parce que... Est-ce que tu fais un schéma ou au contraire, tu écris librement sans avoir de contraintes de, ah oui, faut pas que tu fasses ça. Non, disons que dans une biographie, de toute façon, le schéma, il est, pour moi, il est fait assez vite. C'est la chronologie de l'auteur. Donc là, le schéma est assez simple. Mais, et dans le livre d'Alain Bachon, tu relates quoi, sa vie? Ouais, je relate sa vie depuis le tout départ. Et puis surtout, je m'attarde beaucoup sur le début de sa carrière dans les années 60, sur son passage à vide dans les années 70, ouais. Sur sa période de producteur avec Dick Rivers, ouais. sur tous les passages obscurs qui sont souvent les plus intéressants chez les artistes. Le propulse. Ouais. Okay. Ouais, parce que pour moi, la période Gabi qui le propulse, elle est hyper importante. Surtout pour lui, parce que c'est ouais, sinon, il aurait arrêté. Il voulait faire de la réalisation, revenir à la réalisation, parce qu'il faut voir quand même qu'il y a... Il y a 14 ans de galère avant Gabi. Oui. Là, il y a 14 ans où il sort tous les ans un disque ou deux disques, oui. Qui ne marchent pas. Oui. Et psychologiquement, c'est incroyable comment il tient bon en se disant non, je continue. Tu vois, année après année, non, je continue, je lâche pas le morceau, je continue. Et c'est comme Noir Désir. C'est incroyable. C'est comme Noir. Sauf que Noir Désir, ça a marché un petit peu plus vite. Ça a marché plus vite. Oui. Mais c'était l'époque aussi. Surtout que Alain Bachon voulait plus ou moins être crooner, mais on le dirigeait vers ce côté. Alors voilà, Alain Bachon au départ, si ça a mis du temps, c'est qu'il ne savait pas vraiment où il voulait aller. Si tu veux, il a fait des disques un peu yéyé, des disques un peu crooner, des disques un peu folk, etc. Parce qu'il ne savait pas au début. Il ne savait pas où était son style. Et comme c'est un chanteur qui a énormément de possibilités vocales, il pouvait tout chanter. C'est pour ça que quand il chante Les Romantiques, c'est incroyable. Hein, t'as vu cette voix, voix. T'as vu cette voix quand il chante Still an Art aux Enfants du Rock, oui. Tu vois, c'est parfait. Quoi. L'orchestre jouait un brillant tango. Dans ses bras, il tenait sa belle. Et moi, dans ma main, j'ai pris un couteau. Et ma vengeance fut cruelle. Oui, j'étais grise, j'ai fait une bêtise, j'ai tué mon gigolo. Vends les copines comme une coquille, dans le cœur j'ai mis mon couteau. Donnez-moi de la coco pour troubler mon cerveau. Avec la coco, et puis il y avait Pierre Mikhailov et Ranzain Mazeloscu avec le poinçonneur des Lilas et Serge et son papa. Encore et encore. On a dit arrête l'écho, genre. Tu t'écoutes. Toi, ta mission, c'est quoi ce soir? Ben, depuis presque 200 émissions. Non, 203 émissions. Nous sommes à 203 errances canadiennes. Le savais-tu? T'as pas fêté ta 200e? Non. Les gens vont se dire actuellement. Que l'émission, que toute la structure se veut un peu pétante. Hein? Avec les feux hollywoodiens, avec toutes les danseuses, tout le French cancan, on a eu Frankie, Lynn Martin, mais non, la 200e s'est passé inaperçu. Comme mes 32 ans, il y a quelques jours. T'as eu 32 ans? Oui. Bonne fête, merci. Encore et encore, repassons les pendules à l'heure, repassons sur l'histoire comme un laboureur à peine bourré, relatons la biographie d'une icône illustre du passé. Comment? Du passé. Ah, ça a passé vite, ça. Ça a passé très vite. Alors, d'une icône illustre du passé. revisité ici et maintenant. Alors, Serge Rancourt, du lac Beauport. Les gens qui ne connaissent pas le lac Beauport, puisqu'ils habitent en périphérie, ils nous écoutent ailleurs, je sais pas, à Drummondville, à Mamimamouane, à Pamine, à Renaire, à Lostong, à Lanning, ou dans une maison de repos. Le lac Beauport est en périphérie de Québec. Donc, Serge Rancourt, du lac Beauport, c'est alias Serge Gainsbourg. Ben oui, parce qu'on s'imaginait. Ben oui. Ce qui me dérange là-dedans, moi, les gens sont dupes, hein. Ils disent, Serge Gainsbourg, c'est un Russe. Ben non! Il vient du lac Beauport, Serge Gainsbourg. Ben, ah ben là, ça se réveille. Là, le monde, oh, mais voyons donc, on n'a jamais dit ça dans les médias. Ben, ils vont en parler la semaine prochaine, là. Parce qu'Erance Renadienne leur dit la vérité. Il s'appelait pas Serge Gainsbourg, il s'appelait pas Lucien Gainsbourg. Il s'appelait Serge Rancourt, puis il restait au lac Beauport. C'était un petit bourgeois péteux, là, hein, qui faisait rien de sa vie, puis que son père avait lâché, puis il a dit, va-t'en de chez nous, t'es un rien moins que rien. Puis là, il dit, voyons, je suis un poissonneur des lots. À l'opéra, j'ai fait ma claque de ce clouac. Ami. C'est pas Ami qui a accouché sur le lac Beauport. J'aimerais que les gens, heureusement, ils le sauront maintenant, arborent une épitaphe, un mur. Pas de lamentation, mais un mur à l'emblème de Gainsbourg parce qu'il a habité là. Je vous dirai pas la rue ni l'adresse parce que il y a des voisins, des gens haut classés dans la stratosphère médiatique et surtout économique m'ont dit hey, on va te pousser de l'argent pour ton émission. Comment? On va te pousser de l'argent. Pousser de l'argent. On va te donner la claque. Oh mon Dieu. Ah, ben, écoutez, regarde-moi la bouche, là. Regarde, elle est déjà claquée, là. À droite, à gauche. Non. On va te donner les moyens financiers d'aller plus loin. Oh, monsieur. Un peu plus haut. Un peu plus loin. Je veux aller encore plus loin, mais hey! Comment aller là-haut? Sans tomber vers demain. Un peu plus haut. Un peu plus loin, je veux aller encore plus loin. Mais comment je vois que tu es un salaud? Lâche mon ma main, je veux celle. Un serpent. Je veux celle. Celle. Qui est au cerveau, il n'y en a pas de cerveau. Ta copine? Ah oui, elle s'appelle Justine. Justine, donne-moi ta main. Donne-moi ton bras. Un ruisseau. Mais voyons donc, elle peut pas donner un ruisseau, elle a ton bras. Oui, mais en bas. Ah oui. Un ruisseau. Et je suis là. Non. Ne flanche pas. Je suis en bas, tu es en haut, encore un pas, un petit pas. Je vais crever. Oh, Cyrano, ah, on sent, oui. Je t'aime. Elle est mariée avec un elf. Oh, un elf sans doute. Oh, mais si tu ne me tiens pas la main, ton copain m'amènera vers d'autres chemins. Oh, c'est beau. C'est beau. Tu vois la ville au fond là-bas. Qu'il est beau ce soir. Oh, c'est beau. We'll be right back. tu fais des reprises de chanteurs anglo-saxons. Voilà, et quand tu reprends, voilà, quand tu reprends du country, tout ça. La chanson a été le tube de l'été, et ils se disaient, mais qui est ce groupe anglais? C'était pas un groupe anglais, c'était un groupe français. C'était quand même assez extraordinaire de voir comment ils pouvaient s'accaparer un style et le redonner comme si c'en était la version originale. Est-ce que le plus incroyable chez lui, c'est que quelques mois avant le vrai commencement de sa carrière, c'est-à-dire avant son premier album Roman Photo, avec Boris Bergman et Daniel Tardieu, il fait un dernier essai en variété qui s'appelle David Bergen, et ça sort la même année, tu vois, la même année, il n'a pas encore résolu un 45 tours qui s'appelle David Bergen sous pseudonyme, il n'a pas encore résolu son problème d'identité, il essaye encore de faire de la variété Mr. Hyde, voilà, et en même temps il sort Roman Photo qui est son premier vrai album qui est pour moi la chanson d'Hélène là-dessus? Ouais, c'est la faute à Dylan, c'est bien. C'est bien ça, ouais. Pauvre, mais francophone, c'est vraiment ça révolutionne parce qu'il aurait pu prendre un style anglophone. Puis même sur scène, il reprenait des chansons anglaises sans problème. Et quelques jours avant sa mort, on m'a dit qu'il préparait une reprise des Doors. C'est Yann Péchin qui t'a dit ça? Oui, il l'a appelé trois jours avant sa mort, puis il lui a dit je vais mieux, c'était vraiment le high avant. Ouais, le dernier. C'est ça, exactement. Il dit garde, je suis sorti de l'hôpital et on va reprendre les Doors DN. Et puis là, il dit réécoute-le, OK? Puis lorsqu'on va se voir, puis qu'on va se pratiquer, je veux que tu m'amènes des nouvelles harmonies, quelque chose de plus extravagant. Puis, il n'y a pas de problème, puis. Yann s'était déjà préparé à l'écouter. Il a reçu un appel, il est dans son lit, il est sur son lit de mort, il reste plus grand temps à vivre, veux-tu venir voir, le voir avant. C'est lui qui l'appelait ou c'était... C'est sa femme. C'est Chloé qui l'avait appelé. Et viens-t'en vite, il veut te voir, puis il s'en va. Là. Voilà, c'est ça. Mais il préparait une chanson des Doors. C'est quand même assez... Zienne, pas n'importe laquelle. Ah oui, c'est ça. Mais il avait eu, pendant 6 mois, un retour, c'est-à-dire que le cancer s'était arrêté et il a eu un petit problème au poumon et ce qui l'a tué, c'est pas vraiment ce cancer-là, c'est les petites maladies suite à ça. Il avait un système immunitaire, donc, mais il était prêt à faire une autre... Il avait signé pour un an encore en tournée. Le concert? Oui, partout, là. En Chine, au Canada. Et c'est fou. C'était ce qui l'a sauvé, c'est la musique. Ouais. Parce qu'il serait mort, sans chanson, sans... Et c'était vraiment... Pour les gens qui aujourd'hui sont souffrants, c'est quand même une forte figure de se battre jusqu'au bout. Regarde, même s'il est mort, il a combattu jusqu'à la fin. Ce qui est incroyable, c'est que sa voix est toujours là. Quand tu vois comment il chantait River Deep Mountain High. Oui. C'est un morceau qui est compliqué à chanter. Il faut la puissance. Tu l'as vu, Ataratata, qui est... Hein, tu l'as vu aussi. Elle était belle, la version Ataratata. Elle était belle. Hein. So low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, so low, CKRL, cultive tes goûts. Hey, sur un souffle, une phrase, hey, hey, voire même un adage, un adage, un équi, un ali, un adage, non, pas un équi, un équi, le grand équi, réalisateur de cinéma. Non, sur un souffle, oui, une phrase, oh, une phrase, voire même un adage débutera, une étrange structure narrative. Allumons-nous cette semaine avec ce slogan rénaldien. Une place qui se déplace au soleil, et voici l'émerveillement qui ne ment pas. Tout le monde cherche son intrusion, sa petite présence face à cette sphère cancérigène que l'on appelle soleil. Oh, soleil, soleil, soleil, soleil, soleil. Tout le monde veut sa place. Jean-Luc, Ticu Baudouin. Ah ben moi, ma place, si je l'ai pas, là, moi, je l'ai réclamée la semaine dernière. Je lui ai dit, ça me coûte comment? Puis qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ben, ils m'ont dit que ça dépend ce que je veux déplier. Déplier? Ben, en dollars, là. Quand je place mes billets, moi, ils sont pliés. Oh, mais comment tu voulais déplier? Déplier? Comment je voulais déplier? Comment tu veux déplier? Ben, je veux déplier, moi, là, là. Déplier en chantant. Je veux déplier en chantant et être heureux, extravagant, rire en chanson. Tu sais pourquoi, mon espèce de connard? Pardon? Tu sais pourquoi, mon espèce de connard? Oui, tous les gens qui s'imaginent que l'argent amène tout, c'est des connards. Effectivement, t'as une raison. C'est des connards. Pourquoi? Ben parce que la raison... je sais pas quoi. C'est quoi la réplique? Ah oui, l'argent n'achète pas tout. Comment? L'argent n'achète pas tout. Oui, l'argent n'achète pas tout. Effectivement, t'as raison. On te donne deux morceaux. Deux morceaux? Deux morceaux de brontosaure bien hachés. Oh, j'aime ça, haché. Plus c'est haché, plus c'est haché. Oh, c'est bien. Comme disait Barnabé Taché, détachez-moi de ce troupeau. Pourquoi? Parce qu'il est trop belle heure. Ben oui, mais c'est des Québécois. Pourquoi je n'irai pas avec toi, Sandy? Attention. Attention, parce que c'est des Québécois, puis là, on a lancé quelque chose, puis là, on va essayer, attendez, 30 secondes, s'il vous plaît, cachez-vous, chut, on se parle, entendez. OK, chut, on se parle, ça va bien? Oh oui, moi ça va bien, mais ma petite fille, elle a eu mal aux dents, puis, hey, j'ai voulu l'opérer, elle n'a pas voulu. C'est normal, es-tu un opérateur? Ben oui, je suis un opérateur de machinerie lourde. Mais il est très lourd, toi, là, là. Puis comment tu veux l'opérer? Ben, je vais mentionner, moi, là, là. Moi, ça coûte rien, moi, là. C'est gratuit. Gratis. Je t'offre ma connaissance. Ouais, mais as-tu de la connaissance? Non, mais j'ai de la reconnaissance. La reconnaissance. Personne n'a de la reconnaissance aujourd'hui. Puis penses-tu qu'ils vont te croire? Surtout ta fille. Elle te connaît depuis combien de temps? Ben, depuis 19 ans. Et monsieur, 19 ans. Puis tu penses qu'elle a une connaissance? Ben, si elle n'a pas une connaissance, elle a sans doute une reconnaissance. Une reconnaissance. De quoi? De quoi? Je sais pas. Arrête, arrête, arrête, arrête. Ah, de quoi? Ben là, on cherche le truc, puis on le trouve pas. Ben, attendez un petit peu. On va aller plus loin là-dedans. Si vous voulez. OK, OK, OK, OK. C'est pas là. OK. On y va là. Ça va bien, vous autres, les enfants? Ah, moi, les enfants vont bien, là. Gertrude, là, elle a eu deux dents. Deux dents et demi? Non, deux dents et trois quarts. Oh, mon Dieu, ça fait mal, hein? Surtout les trois quarts. Ben je te comprends. Trois quarts de rien, c'est quoi? Ben, c'est plus que rien, là. Puis surtout, qu'on voudrait vous dire, mesdames et messieurs, que c'est la fin d'émission, ou presque. Hey, monsieur. Hey, là, on chevauche bien parce qu'on a modifié pendant quelques secondes, quelques minutes l'émission. Puis là, c'est ça qui arrive. De la nouveauté, oui, hébergeons, bien sûr. Nous offrons-nous un peu de 7e art. Les gens se sont dit, c'est le chaos. Selon l'émission, ça fonctionne pas. C'est plus rien. Il est malade. Il est sous la couverture de l'anonymat. Il cherche l'extravagance. On sait plus ce qu'il veut. Puis on sait, on le reconnaît même pas. Il est blême. Il est chaud. Puis il est sous. Hein? Il est sous la couverture. Oh mon Dieu. La couverture de Squiddy Diddly. Oh mon Dieu. Je pensais de Mickey Mouse. Mais le Mickey Mew aussi. Mais le Mickey. As-tu vu les oreilles? Premièrement, là, les oreilles de Mickey, ouais, sont pas grosses. Ouais. Elles sont énormes. Oh oui, mais là, c'est pas le temps, là. Parce qu'il faut dire que nous hébergeons à partir de maintenant un nouvel atelier d'improvisation. Offrons-nous un peu de septième art dans les oreilles. Amorçons un numéro avec un court extrait cinématographique et enchaînons sur l'inspiration et la transpiration du moment. Aujourd'hui, incrustons. Et on sent l'incrustion. On sent quoi? Et on sent la personne qui incruste. Comment tu appelles la personne qui incruste? Le mec qui incruste? Oui. Alors aujourd'hui, nous incrustons. Non, nous incrusterons sur la surface écranique le film de Whistler, le lutteur. Le lutteur est un film de Darren Want. Ding. En tout cas, Darren Aronofsky. Hey, monsieur. Aronofsky, I be good, Aronofsky, I be good, I'm love sky, oh, I'm be good, oh, I'm love sky. Ok, seulement. Alors, I'm love sky avec Mickey Rourke et Marissa Tomei. Amérissa, mais Tomissima a toujours des vêtus. Si jamais Amérissa, c'est ça, c'est moi qui vous tue. Écoute, pourquoi j'irai pas avec toi, Sandy? Et ensemble, on pourrait lui choisir un truc. Ben oui, mais on peut toujours me choisir un truc. Premièrement, là, moi, j'ai aucun truc qui me va. Même l'écho me va pas. L'écosystème ne me va pas. Ne m'ira jamais. Je sais pas pourquoi. Moi, comme disait Yvon Deschamps, un humoriste et un chanteur, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais je suis bien heureux de me voir là avec vous et je vous remercie de m'avoir écouté et surtout m'avoir peut-être compris à travers mes petites foleries. C'était Errance Rénaldienne, Rénal Gagné. On se trouve la semaine prochaine, dans un enchaînement tout autre. Bye-bye. Bonne semaine. Agrippez-vous. Nous vaincrons! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. R, S, T, U, V, W, X, Y, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Hey, attention, au Québec, là. Au Québec, monsieur. Il faut pas trop aller rapidement. Parce que nous avons des étudiants. J, K. Non. Non. Soit. Je vous ai raconté ma vie. Philippe Catherine vous apprendra la locomotion langagière. Une stagiaire derrière nous proposera quelques éclats de sa création narrative. Mais... J'ai une chatte, avec une crise cardiaque. C'était la fin. Moi, tu coupes pas. Renan Jalil. Je suis Renan Jalil. Céline va très bien. Les enfants vont bien. L'argent va pas très bien. Je la brûle. Pas Céline. L'argent. Céline, je la brûle pas. Je suis plus capable de la brûler. Mais l'argent, je la brûle. Puis Céline m'amène l'argent, donc je la brûle pas trop. Parce que je veux qu'elle me l'amène. Je l'amène chez lui. Je l'amène des filles. Je l'amène des femmes. Je l'amène des bœufs. On peut dire que vous écoutiez Errance Rinaldienne et vous le saviez sans doute. Ben moi, j'écoute, j'ai satanisé là, à la dernière minute. Et puis? Ben, je réécouterai pas ça, il n'y a pas de musique. Ouais. Il n'y a pas Michel Sardou. Oh, je l'ai écouté un bon matin. De... Non, c'est pas Michel Sardou, ça, c'est tout, c'est vous. C'est mou. C'est nous. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout, mais c'est vous. La semaine prochaine, si vous voulez nous écouter, écrivez-moi. Rénal Québec, RAYNALDQUEBEC à commercial@hotmail.com. Hey, ça, c'est lourd, là. Ben oui. C'est très lourd parce que les gens sont lourdement inspirés maintenant. Et comment ça? Il est presque 2h du matin. Ouais. Ils sont fatigués. Ouais. Ils veulent dormir. Ouais. Là, je leur donne un courriel. Ouais. Ils t'écriront pas. Ouais. Ils vont t'écrire. Ouais. Parce qu'il faut mettre de l'écho. De l'écho dans le message. Rénal Québec, RAYNALDQUEBEC à commercial@hotmail.com. Alors, Jane Birkin. Parce qu'il nous reste Jane Birkin. Ouais. On l'a gardé pour les desserts. Hein. Bah, disons que Jane Birkin, voilà. Quel beau dessert. Déjà, c'est une très belle femme. Mm-hmm. Et puis. Et finalement, je me suis aperçu. Tu me dis très belle femme, tu te réfères à quelle année de Jane Birkin? Bah, écoute, c'est toujours une très belle femme. Oui, mais la figure emblématique, pourquoi de Jane Birkin? Pour moi, c'est la période Oui, je t'aime, moi non plus, vers 75. Oui. Quand elle fait le film, hein, Je t'aime, moi non plus. Oui. 75, pour moi, c'est Levis 501 délavé, et puis débardeur blanc, coton. Ouais. Et là, elle est sublime. Ouais. C'est. Voilà, on est d'accord. Mais je souris parce que je la vois très bien. C'est la figure emblématique, c'est le symbole sexuel. Ouais. Voilà, donc. Oh ouais, et puis aussi les petites mini-jupes vers 68-69, quand elles commencent à sortir avec Gainsbourg, il y a des. Cette période-là aussi. Oui, mais de toute façon, avec le petit panier en osier et tout ça. Et le chien qui suivait de près, les enfants. Et donc, pourquoi Jane Birkin? Alors, Jane Birkin, parce que je me posais plein de questions sur elle et je ne trouvais pas les réponses. C'est pareil, je me disais, Jane Birkin, est-ce que c'est une actrice, est-ce que c'est une chanteuse, qu'est-ce qui est important pour elle, etc. Parce que c'est pareil, il y a quelques disques de Jane Birkin que j'ai toujours écoutés, qui ont toujours été parmi mes disques de chevet, comme Ex-Fan des 60s, tu vois, Didouda, les choses comme ça. Raccrocher, c'est une horreur, un petit peu. Ouais, raccrocher, c'est une horreur, ouais. Et puis c'est un personnage avec lequel j'ai grandi à travers les émissions de télévision, où en fait dans les émissions de variété que tu regardes, que je regardais quand j'étais petit, il y avait toujours deux ou trois artistes qui me plaisaient. Il y avait toujours les Dalida, les Michel Sardou, les trucs chiants. Et il y avait toujours un ou deux petits grains de folie. C'était qui en général? C'était Gainsbourg et Birkin. Dutronc quand il venait, ou François Zardy, ou des gens comme ça, qui mettaient voilà, un peu de piquant, où là tu disais, ouais, ça va, il n'y a pas que de la merde en France, ça va. Mais, et donc, Jane Birkin, elle faisait partie de cette bande. Mais en même temps, elle était connue, mais elle n'est pas du tout connue en détail. On ne connaît pas son parcours, on ne sait pas par où elle est passée. On ne se rend pas compte qu'elle a fait 80 films. Oui, encore aujourd'hui. Même aujourd'hui, ouais, parce qu'on connaît l'actualité de Jane Birkin, mais on ne se rend pas compte qu'elle a... Elle a fait 80 films et que parmi ces 80 films, il y a la plupart c'est de la comédie. Non, justement, c'est plus des films d'art et d'essai, c'est plus des films d'auteur. Elle a même fait un film d'épouvante, tu vois. Elle a fait en Angleterre, ouais. Produit par la Hammer, tout ça, tu vois. Il y a des tas de trucs qui sont intéressants dans son parcours. CKRL, cultive tes goûts.